Je suis sous tiene varios sentidos. Significa estoy borracho y estoy debajo del balcón de su chica y cantándole para que le perdone pues sus sus defectos, digamos. Y como la chica pues no aparece, pues dice que se va a emborrachar otra vez con sus amigos que le acompañan, aunque haya dicho que les había dejado. Escuchamos Je suis sous de Claude Nougaro. Je suis sous, sous, sous, sous ton balcon. Comme Roméo. Oh, oh, oh Marie-Christine. Je reviens comme l'assassin sur les lieux de son crime. Mais notre amour n'est pas mort, hein? Dis-moi que non. Depuis que l'on s'est quitté, je te jure que j'ai bien changé. Tu ne me reconnaîtrais plus. Et d'abord, je ne bois plus. Je suis rond, rond, rond, rongé de remords. Salaud, oh, oh, oh Marie-Christine, je t'en prie, encore une fois, montre-toi magnanime. Donne-moi une chance encore, dis, recommençons. En moi, il y a du bon aussi, ne me fais pas plus noir que je suis bourré. De bonnes intentions. J'ai trouvé du boulot. Oh Marie-Christine, c'est sérieux. J'ai balancé mon dictionnaire de rime. Je n'écris plus de chansons. Non, je travaille pour de bon. Mes copains que tu n'aimais pas, maintenant ils rigolent sans moi. D'ailleurs je te les ai amenés. Tu n'as qu'à leur demander. On est sous, sous, sous, sous ton balcon. Comme Roméo. Oh, oh Marie-Christine, ne fais pas la sourde oreille à ce cri unanime. Je t'en supplie, mon trésor, réponds, réponds, réponds, réponds. Marie-Christine, ne me laisse pas seule, ne me laisse pas seule. Bon, puisque c'est ça, je vais me saouler la gueule. Uno que no nos ha dejado y que parece incombustible es Charles Aznavour. 92 años, pasó por Madrid en estas Navidades. Ahora mismo no me acuerdo muy bien si está en Brasil o en Japón, pero está de gira mundial. Es el más grande que con Julien Greco, que queda ahora vivo. Y nos ha dejado esta joya que se llama La Mamma, que cuenta pues la muerte próxima de la abuela de un clan siciliano, pero es una muerte alegre porque es una muerte serena y toda la familia acompaña a la mamá hasta que deje el último aliento. Escuchemos La Mamma de Charles Aznavour. Ils sont venus, ils sont tous là.

prochain film qu'elles iront voir. Elle s'obstine contre celle qui connaît l'histoire et qui la raconte. Et pendant ce temps-là, elle ne se rend plus compte qu'elle se sente seule jusqu'au bout des ongles et que cette maudite solitude leur fait honte. Pourtant d'aventures et de voyages, de caresses, d'amour et même de mariage. Mais pour les hommes, elles sont plutôt difficiles. Les filles seules ont fini de croire aux idylles. L'amour qu'elles veulent court pas toujours les rues de leur ville. On peut bien les entendre dire que c'est une chance, que pour les enfants, elles n'auraient pas la patience. Dès qu'elles ont un pied dans le parc, il faut les voir pendant des heures faire danser les balançoires et revenir la larme à l'œil et le cœur triste. Malgré les airs déterminés, elles se trahissent. Les filles seules sont souvent les plus romantiques. Les filles seules, elles habitent avec des copines. Les filles seules parlent des plats qu'elles se cuisinent. Elles conservent, scellées avec de la paraffine, un cœur de rêve. Y llegamos a nuestra última canción, que una hora pasa rápido. Vamos a escuchar la chanson de Jackie, la canción de Jackie. Jackie es el apodo, o el diminutivo más bien, de Jacques, con el que le llamaban a Brel cuando era joven. Y bueno, pues una canción un poquito, un testamento de cómo ha sido su vida y de lo que se imagina que va a hacer al final. Bueno, pues vamos a escuchar la chanson de Jackie. Antes, pues os doy cita para el próximo segundo lunes de febrero. Y podéis volver a escuchar también este programa en la página web, en el apartado de la chanson, en la página web de Radiopolis. Escuchemos entonces la chanson de Jackie, de Jacques Brel. Même si un jour ma knock le soude, je reviens comme je le redoute, chantant pour femme finissant. Même si je leur chante mes colophones avec la voix bandonnéante d'un argentin de Carcassonne. Même si on m'appelle Antonio, que je brûle mes derniers feux en échange de quelques cadeaux, madame, madame, je fais ce que je peux. Même si je me saoule à l'hydromel pour mieux parler de virilité à des mémères décorées comme des arbres de Noël. Je sais que dans ma soulographie, chaque nuit pour des éléphants roses, je rechanterai ma chanson morose, celle du temps où je m'appelais Jackie. Être une heure seulement, être une heure, quelquefois, être une heure, rien que. Une heure grand, beau, beau, beau et con à la fois. Même si un jour à Macao, je deviens gouverneur de tripots, cerclé de femmes languissant. Même si lassé d'être chanteur, j'y sois devenu maître chanteur, et que ce soit les autres qui chantent. même si on m'appelle le bon Serge, que je vende des bateaux d'opium, du whisky de Clermont-Ferrand, de vrais PD, de fausses vierges. Que j'ai une banque à chaque doigt et un toit dans chaque pays, et que chaque pays soit à moi. Je sais quand même que chaque nuit, tout seul au fond de ma furie, pour un public de vieux chinois, je rechanterai ma chanson à moi, celle du temps où je m'appelais Jacques. Être une heure, dit, une heure seulement, oui, oh, oh, être une heure, quelquefois, être une heure, rien qu'une heure, durant, beau, beau, beau, beau, beau et con à la fois. Même si un jour au paradis, je devienne comme...